Chapitre 5e. La gouvernante de l'abbé, étant entrée dans la chambre, remit une lettre à son maître et, échangeant avec lui un regard d'intelligence, lui dit « C'est très pressé, monsieur l'abbé. »« Vous permettez, cher docteur ?» dit le saint homme avant de décacheter la lettre qu'il tenait entre ses mains. « À votre aise, mon cher abbé, » répondit le docteur en se levant, « je vous laisse. »« De grâce, un mot, seulement un mot !» s'écria l'abbé, qui semblait vivement désirer que le docteur ne partît pas si tôt. « Donnez-moi le temps de jeter les yeux sur cette lettre et je suis à vous. »« Mais l'abbé, nous n'avons rien de plus à nous dire. J'ai une consultation pressée, voici l'heure et... »« Je vous en conjure, docteur, » reprit l'abbé, tout en décachetant et parcourant des yeux la lettre qu'il venait de recevoir. « Au nom du ciel, accordez-moi seulement 5 minutes, pas davantage. » Surpris de cette insistance assez singulière de la part de l'abbé, le docteur hésitait à sortir lorsque son malade, s'interrompant de lire, s'écria en levant les yeux au ciel. « Ah, oh mon Dieu, qu'y a-t-il ? Mon pauvre docteur, achevez ! Docteur, c'est la Providence qui vous envoie. » »« La Providence ? Oui, car je me trouve peut-être à même de vous rendre un grand service, mon beau docteur. » Le médecin parut quelque peu douter de la bonne volonté de l'abbé Ledoux et n'accueillit pas ces paroles sans une secrète défiance. « Voyons, mon cher abbé, quel service pouvez-vous me rendre ? » ?»« Vous m'avez quelquefois parlé des nombreux enfants de votre sœur, que vous avez élevés, malgré vos défauts, vilain homme, avec une tendresse toute paternelle, après la mort précoce de leurs parents. » « Ensuite, l'abbé, » dit le docteur, qui de ce moment attacha un regard attentif et pénétrant sur le saint homme, « ensuite, j'ignorais complètement que l'un de vos neveux servit dans la marine et fut capitaine au long cours. Il s'appelle, n'est-ce pas, Horace Brémond ?» Au nom d'Horace, le docteur tressaillit imperceptiblement. Son regard sembla vouloir lire au plus profond du cœur de l'abbé, et il répondit froidement « En effet, j'ai un neveu capitaine de marine, et il se nomme Horace. Et il est maintenant à Paris. » « Oui, ou ailleurs, l'abbé. » « Pour Dieu, mon cher docteur, parlons sérieusement. Le temps est précieux. Voici ce que l'on m'a écrit. Écoutez, et vous jugerez de l'importance de cette lettre. Monsieur l'abbé, je sais que vous êtes fort lié avec le célèbre docteur Gasterini. Vous pouvez lui rendre un grand service. Son neveu, le capitaine Horace, est compromis dans une affaire des plus fâcheuses. Quoiqu'il soit parvenu jusqu'ici à se cacher, l'on a découvert sa retraite et peut-être au moment où je vous écris, s'est-on emparé de sa personne. » L'abbé s'interrompit alors et regarda attentivement le docteur. Celui-ci resta impassible. Surpris de cette indifférence, l'abbé lui dit d'un ton pénétré « Mon pauvre docteur, quel cruel chagrin pour vous, mais ce malheur capitaine, qu'a-t-il donc fait ?»« Je n'en sais rien, abbé, continuez. » Évidemment, le saint homme attendait un autre effet de la lecture de sa lettre. Cependant, sans se déconcerter, il continua. « Peut-être à l'heure qu'il est, s'est-on déjà emparé de sa personne, » reprit-il en appuyant sur ses mots et en poursuivant sa lecture. « Mais il reste une chance de sauver ce jeune homme, plus inconsidéré que coupable. Il faudrait, au reçu de cette lettre, envoyer à l'instant quelqu'un chez le docteur Gasterini. » Et s'interrompant de nouveau, l'abbé ajouta, « Quand je vous le disais, docteur, c'est la Providence qui vous a envoyé ici. »« Elle n'en fait jamais d'autre à mon égard, » reprit froidement le docteur. « Allez toujours, l'abbé. » Il faudrait, au reçu de cette lettre, envoyer à l'instant quelqu'un chez le docteur Gasterini, reprit l'abbé de plus en plus surpris de l'impassibilité du médecin, afin de le prévenir du malheur qui menace son neveu. Le docteur chargerait aussitôt une personne de confiance d'aller, sans perdre une minute, avertir le capitaine Horace de quitter sa retraite. Peut-être ainsi pourrait-on devancer les gens de justice chargés d'arrêter cet infortuné. « Je n'ai pas besoin de vous en dire davantage, mon cher docteur, » ajouta précipitamment l'abbé en jetant la lettre sur son lit. « Une minute de retard peut tout perdre. Courez vite, sauvez ce malheureux jeune homme. » « Eh bien, vous ne bougez pas ? Vous ne me répondez rien ? À quoi pensez-vous donc, mon pauvre docteur ? Pourquoi me regarder de cet air singulier ? N'avez-vous donc pas entendu ce que l'on m'écrit ? Et c'est souligné encore. Il faut aller, à l'instant, sans perdre une minute, avertir le capitaine Horace de quitter sa retraite. En vérité, docteur, je ne vous comprends pas. Et moi, je vous comprends parfaitement, mon cher abbé, dit le docteur avec un calme sardonique. Mais d'honneur, cet expédient n'est vraiment pas à la hauteur de vos inventions accoutumées. Vous avez fait mieux que cela, l'abbé, beaucoup mieux. Un expédient ? Mes inventions ? Reprit l'abbé, feignant l'ébahissement. Ah ça, docteur, vous ne parlez pas sérieusement. Vous avez oublié, cher abbé, qu'un vieux renard comme moi évente de loin les pièges. Des pièges ? Quels pièges ? Voyons, l'abbé, regardez-moi bien en face, si vous pouvez. Docteur, répondit l'abbé, sans pouvoir cacher son violent dépit. Libre à vous de railler, libre à vous de laisser le temps s'écouler, de perdre l'occasion de sauver votre neveu. La chose vous regarde. Je vous avertis en ami, maintenant arrangez-vous, je m'en lave les mains. Ainsi donc, mon cher abbé, vous êtes du complot de ces béates personnes qui voulaient faire de Dolorès Salcedo une religieuse, afin d'accaparer les biens qu'elle doit hériter un jour de son oncle le chanoine. Dolorès Salcedo ? Son oncle le chanoine ? En vérité, docteur, je ne sais point du tout ce que vous voulez dire. Ah, l'abbé, vous êtes de ce pieux complot. C'est bon à savoir. Il est toujours utile de connaître ses adversaires, surtout lorsqu'ils sont aussi habiles que vous l'êtes, cher abbé. Mais encore une fois, docteur, je vous jure, tenez l'abbé. Jouons carte sur table. Vous m'avez fait demander chez vous ce matin, afin que la touche en épître que vous venez de me lire et que vous aviez préparée vous arrivât en ma présence. Docteur, s'écria l'abbé, c'est pousser la méfiance, le soupçon, à un point qui devient, permettez-moi de vous le dire, je vous le permets, eh bien, qui devient outrageant, au dernier point, docteur, ah vraiment, ajouta l'abbé avec amertume, j'étais loin de m'attendre à voir récompenser de la sorte mon empressement à vous rendre service. Parbleu, je le sais bien, mon pauvre abbé, vous espériez un tout autre résultat de votre ingénieux stratagème. Docteur, c'en est trop. Non, l'abbé, non, ce n'en est pas assez. Écoutez-moi donc encore. Voici ce que vous espériez, dis-je, de votre ingénieux stratagème. Épouvanté du danger que courait mon neveu, je vous remercie avec effusion du moyen que vous m'offriez pour le sauver, et je partais comme un trait pour aller avertir ce pauvre garçon de quitter sa retraite. C'est ainsi, en effet, que tout autre eût agi à votre place, docteur. Mais vous vous gardez bien d'agir si raisonnablement. Tenez, vous êtes, en vérité, frappé de vertige et d'aveuglement. Hélas, l'abbé, c'est la punition de mes péchés qui commence. Mais revenons à l'effet de votre ingénieux stratagème. Selon votre espoir, je partais donc comme un trait pour aller, selon vous, sauver mon neveu. Ma voiture était en bas, j'y montais, je me faisais conduire rapidement à la mystérieuse retraite du capitaine Horace. Et sans doute, docteur, voilà ce que vous auriez dû faire depuis longtemps. Or, savez-vous ce qui serait arrivé, mon pauvre abbé ? Vous sauviez votre neveu. Je le perdais, je le trahissais, je le livrais, et voici comment. Je parie qu'à l'heure où je vous parle, il y a non loin d'ici, dans cette rue, et bien en vue de cette maison, un cabriolet attelé d'un vigoureux cheval, et hasard étrange, si vous ne donnez pas contre-ordre, ce cabriolet va se mettre à suivre une voiture partant où elle ira. » L'abbé devint écarlate, mais reprit « Je ne sais de quel cabriolet vous voulez parler, docteur. » « En d'autres termes, mon cher abbé, on a jusqu'ici vainement cherché les traces de mon neveu. Pour découvrir sa retraite, l'on m'a fait sans doute tout aussi vainement suivre. Or, l'on espérait, par la brusque annonce du prétendu danger qu'il courait, me poussait à aller à l'instant avertir le capitaine. Votre émissaire d'en bas eut alors suivi ma voiture, de sorte que, sans le savoir, je relivrais moi-même le secret de la retraite de mon neveu. Encore une fois, l'abbé, pour tout autre que vous, le moyen n'était pas mal inventé. Mais vous avez habitué vos admirateurs, et permettez-moi de m'inscrire parmi eux, à des conceptions plus hautes et plus hardies. Espérons donc qu'une autre fois, vous vous montrerez plus digne de vous-même. Au revoir, et sans rancune, mon cher abbé, car je compte toujours sur vous pour notre bonne soirée du 20 novembre. Je viendrai d'ailleurs vous rappeler votre toute aimable promesse. Au revoir donc, mon pauvre et cher abbé. Allons, n'ayez point l'air si dépité, si décontenancé. Consolez-vous bravement de ce petit échec en vous rappelant vos triomphes passés. » Et le docteur Gasterini quitta l'abbé Ledoux après ce persiflage. « Tu chantes victoire, vieux serpent, s'écria l'abbé Pourpre de Kourou, et montrant le poing à la porte par laquelle le docteur était sorti. « Tu es bien orgueilleux. Et tu ne sais pas que ce matin même, nous avons déjà repris Dolores Salcedo, mais ton misérable neveu ne nous échappera pas, car heureusement, je suis aussi roué que toi, infernal docteur, et comme tu le dis, j'ai plus d'un tour dans mon sac. » Le docteur, objet de ce monologue en manière d'imprécation, avait caché l'inquiétude que lui causait la découverte qu'il venait de faire. Il savait l'abbé Ledoux capable de prendre une revanche éclatante. Aussi, en descendant de la maison du Saint-Homme, le docteur, avant de remonter dans sa voiture, regarda du côté et d'autre dans la rue. Ainsi qu'il s'y attendait, il vit à 20 pas de là un cabriolet de régie arrêté. Dans ce cabriolet, ce n'était un grand homme à redingote brune. S'avançant alors à pied jusqu'à ce cabriolet, le docteur dit à demi-voix au gros homme d'un air confidentiel « Mon ami, vous êtes posté là, n'est-ce pas, pour suivre cette voiture verte à 2 chevaux qui est là-bas, arrêtée devant la porte du numéro 17. »« Monsieur, » dit le gros homme en hésitant, « je ne sais qui vous êtes et pourquoi vous... »« Chut, mon ami, » reprit le docteur d'un ton plein de mystère. « Je quitte l'abbé Ledoux. L'ordre de marche est changé. L'abbé vous attend à l'instant pour vous donner de nouveaux ordres. Vite, allez, allez !» Le gros homme, rassuré par les détails que lui donna le docteur, n'hésita plus, descendit de son cabriolet et se rendit en hâte chez l'abbé Ledoux. Lorsque le docteur eut vu la porte cochère refermée sur l'émissaire de l'abbé, bien certain dès lors de n'être pas suivi, il se fit conduire en hâte au faubourg Poissonnière. Car s'il ne craignait rien pour son neveu, il éprouvait vaguement d'autres inquiétudes depuis qu'il savait l'abbé Ledoux mêlé dans cette intrigue. La voiture du docteur venait d'entrer dans une des rues les moins fréquentées du faubourg Poissonnière, non loin de la barrière du même nom, lorsqu'à quelque distance il aperçut un assez grand rassemblement formé en face d'une maison de modeste apparence. Le docteur fit aussitôt arrêter sa voiture, en descendit, alla se mêler au groupe et dit à une des personnes dont ils étaient composés « Qu'y a-t-il donc là, monsieur ?»« Il paraît, monsieur, que c'est une colombe égarée que l'on ramène au colombier. Une colombe. Ou, si vous l'aimez mieux, une jeune fille qui s'était sauvée d'un couvent. Le commissaire de police est arrivé avec ses agents et un très gros homme en redingote violette qui avait l'air d'un curé. Il s'est fait ouvrir la maison. » La fugitive y a été trouvée, puis emmenée dans un fiacre avec le gros homme en redingote violette. Je n'ai jamais vu un citoyen orné d'un pareil ventre. Le docteur Gasterini n'en entendit pas davantage, se fit jour à travers les groupes, et alla sonner impérieusement à la porte de la petite maison dont on parlait. Une jeune servante, encore pâle d'émotion, vint lui ouvrir. « Où est Madame Dupont ? » fit vivement le médecin. « Chez elle, monsieur. Ah, si vous saviez !» Le docteur ne répondit rien, traversa 2 pièces et entra dans une chambre à coucher où se trouvait une femme âgée, d'une figure vénérable et pleine de douceur. « Ah, monsieur le docteur !» s'écria Madame Dupont en fondant en larmes. « Quel malheur, quel scandale, pauvre jeune fille !»« Je suis désolé, ma pauvre Madame Dupont, que le service que vous m'avez rendu ait pour vous des suites si désagréables. Oh, ne croyez pas que ce soit cela qui m'afflige, monsieur le docteur !» Je vous dois plus que ma vie, puisque je vous dois la vie de mon fils. Aussi, je ne pense pas à me plaindre, quant à moi, d'un désagrément passager. Je vous connais trop, d'ailleurs, pour élever le moindre doute sur les intentions qui vous ont fait me demander de donner momentanément asile à cette jeune fille. À cette heure, ma chère Madame Dupont, je puis et je dois tout vous dire. Voici l'histoire en 2 mots. J'ai un neveu, une tête folle, mais le plus brave garçon du monde. Il est capitaine de marine. Dans son dernier voyage de Cadiz à Bordeaux, il a pris comme passager un chanoine espagnol et sa nièce. Mon neveu est devenu amoureux fou de la nièce. Mais, par suite d'événements trop longs et trop ridicules à vous raconter, le chanoine, ayant pris mon neveu en aversion, il lui a signifié qu'il n'épouserait jamais Dolores. La résistance a exaspéré ces 2 amoureux. Mon diable de neveu a suivi le chanoine à Paris, a découvert le couvent où avait été mise la jeune fille, s'est mis en correspondance avec elle et il l'a enlevée. Horace, c'est son nom, est un honnête garçon. L'enlèvement accompli, il m'a amené Dolores et m'a tout avoué. En attendant son mariage, il m'a supplié de placer cette jeune fille dans une maison convenable, car pour mille raisons, il m'était impossible de garder cet enfant chez moi après un tel éclat. Alors j'ai songé à vous, ma bonne madame Dupont. Ah, monsieur, j'étais bien certaine que vous ne pouviez qu'agir noblement, comme toujours, et d'ailleurs, pendant le peu de temps qu'elle est restée près de moi, madame Dolorès m'a si vivement intéressée que je m'étais déjà attachée à elle. Aussi, jugez de mon chagrin lorsque ce matin... Le commissaire de police s'est fait ouvrir cette maison, je sais cela. Et le chanoine Don Diego l'accompagnait. Oui, monsieur, il était furieux. Il s'est écrié qu'il connaissait la loi française, que cela ne se passerait pas ainsi, qu'il y avait rapt d'une mineure et que l'on cherchait de tous côtés le ravisseur. C'est à quoi je m'attendais. Aussi avais-je exigé de mon neveu, non seulement qu'il ne revît pas Dolorès avant que tout fût arrangé, mais qu'il se tînt caché, afin de se soustraire à des poursuites que j'espérais apaiser. Maintenant, je ne sais si je pourrais y parvenir. Le cas est fort grave. Je l'avais dit à Horace, mais le mal était fait, et je l'avoue, j'ai reculé devant la pensée de remettre moi-même cette pauvre Dolorès entre les mains du chanoine, espèce de brute superstitieuse et gloutonne dont il n'y a rien à espérer. Ah, monsieur le docteur, je connais maintenant assez mademoiselle Dolorès pour être certaine qu'elle serait morte de chagrin, qu'elle en mourra peut-être si on la laisse au couvent. Aussi, croyez, monsieur, que dans la scène de ce matin, ce qui m'a le plus affligé a été non le scandale dont ma pauvre maison a été le théâtre, mais la pensée du triste avenir qui est peut-être réservé à cette malheureuse enfant. Et maintenant que je sais tout, monsieur le docteur, je suis doublement inquiète en songeant aux graves conséquences que cet enlèvement peut avoir pour votre neveu. Ces craintes, je les partage plus vivement encore, ma chère madame Dupont. D'après une découverte que j'ai faite ce matin, je tremble qu'une plainte ait déjà été déposée contre Horace. Si elle ne l'a pas été, elle le sera peut-être aujourd'hui. Car maintenant que Dolorès est retombée au pouvoir de son oncle, s'il peut parvenir à faire arrêter mon neveu, son amour pour Dolorès ne sera plus à craindre. Ah, cette arrestation serait affreuse. La loi est inflexible. Mon neveu s'est introduit la nuit dans un couvent et a enlevé une mineure. Il est passible d'une peine infamante, et pour lui, ce serait la mort. Grand Dieu ! Et ses frères et sœurs qu'il aime tant, quel deuil pour moi, pour notre famille, ajouta le vieillard avec abattement. Mais monsieur, il doit y avoir quelque chose à faire pour tâcher au moins d'arrêter les poursuites. Tenez, ma chère madame Dupont, reprit le docteur douloureusement ému, ma tête se perd quand je songe aux terribles conséquences qui peuvent résulter de ce coup de tête de jeune homme. Mais que faire, monsieur le docteur, que faire? Eh, le sais-je moi-même, ma pauvre madame Dupont. Je vais réfléchir à la meilleure marche à suivre, mais j'ai affaire à si forte partie que je n'ose espérer le succès. » Et le docteur Gasterini quitta le faubourg Poissonnière dans une inexprimable anxiété.